Chapitre 12. Les ours grizzlies. Mademoiselle de Pelloer n'était pas complètement satisfaite au point de vue chasse. Il manquait quelque chose à son bonheur. Elle n'avait jamais tué d'ours grizzly, et cet animal est plus redoutable que l'ours blanc par sa férocité. Qu'il ait faim ou non, s'il rencontre un homme, il l'attaque. Aucun autre animal, l'homme excepté, n'ose l'attaquer. C'est une terrible brute. Son coup de patte est tellement lourd qu'il aplatit un cheval s'il en frappe la croupe et qu'il l'assomme s'il le touche au crâne. Son soufflet couche un homme à terre, les os de la joue brisés. Son étreinte brise les côtes et casse la colonne vertébrale. Sa morsure brise une cuisse et brise le fémur en esquille. Du reste, fin, défiant, très rusé et très patient, comme tous les ours. Mais sale bête! Désagréable au possible à rencontrer, si l'on n'est pas excellent tireur, et de beaucoup de sang-froid pour le tirer à l'œil ou à défaut de l'épaule, la balle traversant le cœur. Mademoiselle de Pelloer brillait de se mesurer avec un pareil adversaire. Le serpent d'eau lui promit de la mettre en présence d'un ours grizzly. Elle promit, elle, à fleur de joint, la langue et les pieds de l'animal. Il y a pourtant un proverbe qui dit qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais la jeunesse est imprudente et se moque des proverbes. Donc, Mademoiselle de Pelloer et Nathalie se mirent en campagne contre l'ours avec le serpent d'eau comme guide et ses braves comme escorte, en emportant des petites tentes et le paquetage ordinaire. Le serpent se dirigea vers une montagne que l'on apercevait au loin. Les ours aiment les montagnes. Pourquoi? Je n'en ai jamais trouvé l'explication. Quoique je l'ai cherché dans les livres des naturalistes, notamment dans ceux de M. de Buffon. En voilà un qui a une réputation surfaite et sur lequel on se trompe. Naturaliste en chambre, décrivant les animaux empaillés, il doit toute sa renommée à sa littérature, à son style noble et élégant. Mais comme naturaliste, il n'est vraiment pas fort. J'ai vu des braves ouvriers, des pauvres employés, des petits bourgeois, souscrire aux œuvres complètes de Buffon. Quel Dupris, que d'idées fausses, et quelle insuffisance dans sa méthode, car à vrai dire il n'en a pas. Bref, monsieur de Buffon et les autres, n'ayant pas dit pourquoi l'ours aimait les montagnes, je l'ai demandé à mon ami Chastoé, un basque, chasseur d'ours pyrénéen. Mais c'est bien simple, m'a-t-il dit avec conviction, l'ours adore le miel, il ne trouve des ruches sauvages que dans la montagne. Il habite dans la montagne. Je donne l'explication pour ce qu'elle vaut, et je ne garantis rien. En tout cas, le serpent d'eau se dirigea vers le pays aux ours. Chemin faisant, ils ont eu l'occasion de tuer deux oies et quelques canards. L'oie et le canard sauvage sont excellents rôtis à la ficelle. Aussi fit-on, le premier soir de marche, un excellent repas. On conserva précieusement la graisse d'oie, qui, avec du maïs pilé, forme une pâte de galette précieuse à cuire sous la cendre. On se remit en route. Dans la journée, bonne chasse, on tua un renne. Comme il n'avait que 3 ans, il était excellent, et l'on en mangea les filets. Le reste fut fumé. On coucha au pied de la montagne, tout près du pays aux ours. Mademoiselle de Pelloer et Nathalie dormaient profondément sous leur petite tente, lorsque, dans le lourd sommeil qui les accablait, elles eurent le sentiment confus qu'elles étaient exposées à un froid assez vif. Mais, de temps à autre, un souffle chaud leur brûlait la figure. Mademoiselle de Pelloer s'éveilla la première, sous un de ces souffles, ouvrit les yeux et vit sur son visage le naseau d'un ours qui la flairait. Elle avait lu, elle avait entendu dire, que l'ours n'attaque jamais un homme endormi. Elle eut la présence d'esprit de ne pas bouger, et elle attendit avec une héroïque résignation. Elle comprit que l'ours ou les ours, avec leur habitude d'adresse et leur curiosité coutumière, avaient enlevé la tente. Elle voyait le ciel. L'ours s'éloigna pour aller flairer Nathalie. Mademoiselle de Pelloer se leva d'un bond et chercha son fusil. Il était temps. L'ours ayant entendu du bruit venait sur elle. Elle eut le sang-froid de crier. « Nathalie, Nathalie, aux armes !» Et elle tira l'ours à l'œil. Il tomba. Mais il n'était pas seul. 5 autres avaient envahi le campement et ils voulurent l'écharper, mais Nadali et les Indiens avaient pris leurs fusils et ils tirèrent. Mademoiselle de Pellouer avait saisi une de ses lances plantées en terre, comme ont l'habitude de faire les sauvages au bivouac. Elle se défendit contre une ours, lui planta le fer dans la poitrine. L'ours, selon l'instinct de sa race, fonçait sur la jeune fille. Elle lâcha la lance, dont le manche traîna par terre. Butant sur le sol, il arrêtait l'animal, qui, de ses deux pattes, le saisit, l'enfonçant tellement et de plus en plus, que l'arme, au lieu de buter par devant, traîna par derrière. Mais Mademoiselle de Pellouer avait vu à terre un tomahawk. Elle le ramassa et en asséna 2 coups si forts sur la tête de son adversaire que la cervelle jaillit. Sans perdre une seconde, la jeune fille courut au secours de Nadali. Après avoir tiré inutilement, son fusil ayant raté, elle aussi avait enfilé un ours d'un grand coup de lance. Mais l'animal fonçait. Mademoiselle de Pellouer, l'abordant de côté, lui cassa la tête comme à l'autre. Le combat finissait. Le dernier ours auquel les Indiens avaient affaire venait de tomber. Mais Serpando avait un bras cassé d'un coup de patte. Un brave était à demi étouffé et il avait une oreille mangée. On le fit revenir à lui et on le pansa. Mais tel est le caractère indien que le blessé avait l'air enchanté de son accident. Cette oreille qui lui manquait prouvait qu'il avait combattu corps à corps avec un grizzly et l'avait vaincu. Peu d'hommes pouvaient en dire autant. On remonta la tente abattue et l'on se coucha, remettant au lendemain pour dépouiller les ours et les dépecer. Mais la nuit devait être fertile en incidents et tout n'était pas fini. Nadali fut éveillée par un sourd grognement. Elle entr'ouvrit la tente et regarda. 2 beaux jaguars, un mâle et une femelle, dévoraient chacun un ours. Nadali éveilla sa maîtresse. « Pas de bruit, lui dit-elle. 2 jaguars. » Elles prirent leurs fusils. « Nous ne pouvons pas voir leur tête, dit Mademoiselle de Pellouer. Tirons-les à l'échine. » Cette fois, le fusil de Nadali ne rata pas. Les 2 jaguars, tirés presque à bout portant, eurent la colonne vertébrale coupée. Ils se mirent, comme toujours en pareil cas, à faire des bonds énormes sur place, mais sans pouvoir avancer. Les Sioux, sortis de leur tente, eurent la joie de ce spectacle. Et Serpando voulut tirer sur les jaguars, mais Mademoiselle de Pellouer le pria de n'en rien faire. « Ils dansent pour votre amusement, » dit-elle en riant. « Je n'ai aucune pitié pour des bêtes aussi féroces. » Enfin, les jaguars expirèrent, en poussant le dernier râle d'agonie. De dormir, il ne fut plus question. Le ciel commençait à pâlir à l'orient. On dépouilla ours et jaguars, et l'on emporta le plus de viande que les chevaux purent emporter.